Section 11. Troisième partie. Livre deuxième. Suite. À la réception du premier jour de l'an 1814, on s'attendait à quelques scènes. J'ai connu un homme attaché à cette cour, lequel se préparait à tout hasard à mettre l'épée à la main. Napoléon ne dépassa pas néanmoins la violence des paroles, mais il s'y laissa aller avec cette plénitude qui causait quelquefois de la confusion à ses hallebardiers même. « Pourquoi, s'écria-t-il, parler devant l'Europe de ces débats domestiques? Il faut laver son linge sale en famille. Qu'est-ce qu'un trône? Un morceau de bois, recouvert d'un morceau d'étoffe. Tout dépend de celui qui s'y assied. La France a plus besoin de moi que je n'ai besoin d'elle. Je suis un de ces hommes qu'on tue, mais qu'on ne déshonore pas. Dans 3 mois, nous aurons la paix, où l'ennemi sera chassé de notre territoire, où je serai mort. » C'était dans le sang que Bonaparte était accoutumé à laver le linge des Français. Dans 3 mois, on n'eut point la paix. L'ennemi ne fut point chassé de notre territoire. Bonaparte ne perdit point la vie. La mort n'était point son fait. Accablée de tant de malheurs et de l'ingrate obstination du maître qu'elle s'était donnée, la France se voyait envahie par l'inerte stupeur qui naît du désespoir. Un décret impérial avait mobilisé 121 bataillons de garde nationale. Un autre décret avait formé un conseil de régence présidé par Cambacérès et composé de ministres, à la tête duquel était placée l'impératrice. Joseph, monarque en disponibilité, revenu d'Espagne avec ses pillages, est déclaré commandant général de Paris. Le 25 janvier 1814, Bonaparte quitte son palais pour l'armée et va jeter une éclatante flamme en s'éteignant. La surveille, le pape, avait été rendue à l'indépendance. La main qui allait à son tour porter des chaînes fut contrainte de briser les fers qu'elle avait donnés. La providence avait changé les fortunes et le vent qui soufflait au visage de Napoléon poussait les alliés à Paris. Pie VII, averti de sa délivrance, se hâta de faire une courte prière dans la chapelle de François Ier. Il monta en voiture et traversa cette forêt qui, selon la tradition populaire, voit paraître le grand veneur de la mort quand un roi va descendre à Saint-Denis. Le pape voyageait sous la surveillance d'un officier de gendarmerie qui l'accompagnait dans une seconde voiture. À Orléans, il apprit le nom de la ville dans laquelle il entrait. Il suivit la route du Midi aux acclamations de la foule de ces provinces où Napoléon devait bientôt passer, à peine en sûreté sous la garde des commissaires étrangers. Sa sainteté fut retardée dans sa marche par la chute même de son oppresseur. Les autorités avaient cessé leurs fonctions. On n'obéissait à personne. Un ordre écrit de Bonaparte, ordre qui 24 heures auparavant aurait abattu la plus haute tête et fait tomber un royaume, était un papier sans cour. Quelques minutes de puissance manquèrent à Napoléon pour qu'il pût protéger le captif que sa puissance avait persécuté. Il fallut qu'un mandat provisoire des Bourbons achevât de rendre la liberté au pontife qui avait ceint de leur diadème une tête étrangère. Quelle confusion de destinée ! Pie VII cheminait au milieu des cantiques et des larmes, au son des cloches, au cri de « Vive le pape ! Vive le chef de l'Église !» On lui apportait non les clés des villes, des capitulations trempées de sang et obtenues par le meurtre, mais on lui présentait des malades à guérir, de nouveaux époux à bénir au bord de sa voiture. Il disait au premier « Dieu vous console ». Il étendait sur les seconds ses mains pacifiques, il touchait de petits enfants dans les bras de leur mère, il ne restait aux villes que ceux qui ne pouvaient marcher. Les pèlerins passaient la nuit sur les champs pour attendre l'arrivée d'un vieux prêtre délivré. Les paysans, dans leur naïveté, trouvaient que le Saint-Père ressemblait à notre Seigneur. Des protestants attendris disaient « Voilà le plus grand homme de son siècle ». Telle est la grandeur de la véritable société chrétienne, où Dieu se mêle sans cesse avec les hommes. Telle est, sur la force du glaive et du sceptre, la supériorité de la puissance du faible, soutenue de la religion et du malheur. Pie VII traversa Carcassonne, Béziers, Montpellier et Nîmes pour réapprendre l'Italie. Au bord du Rhône, il semblait que les innombrables croisées de Raymond de Toulouse passaient encore la revue à Saint-Rémy. Le pape revit Nice, Savone, Imola, témoin de ses afflictions récentes et des premières macérations de sa vie. On aime à pleurer où l'on a pleuré. Dans les conditions ordinaires, on se souvient des lieux et des temps du bonheur. Pie VII repassait sur ses vertus et sur ses souffrances, comme un homme dans sa mémoire revit de ses passions éteintes. À Bologne, le pape fut laissé aux mains des autorités autrichiennes. Murat, Joachim Napoléon, roi de Naples, lui écrivit le 4 avril 1814. « Très Saint-Père, le sort des armes m'ayant rendu maître des états que vous possédiez lorsque vous fûtes forcé de quitter Rome, je ne balance pas à les remettre sous votre autorité, renonçant en votre faveur à tous mes droits de conquête sur ces pays. Qu'a-t-on laissé à Joachim et à Napoléon, mourant ?» Le pape n'était pas encore arrivé à Rome qu'il offrit un asile à la mère de Bonaparte. Des légats avaient repris possession de la ville éternelle. Le 23 mai, au milieu du printemps, Pie VII aperçut le dôme de Saint-Pierre. Il a raconté avoir répandu des larmes en revoyant le dôme sacré. Prêt à franchir la porte du peuple, le pontife fut arrêté. 22 orphelines vêtues de robes blanches, 45 jeunes filles portant de grandes palmes dorées s'avancèrent en chantant des cantiques. La multitude criait « Hosanna !» Pignatelli, qui commandait les troupes sur le Quirinal, lorsque Radet emporta d'assaut le jardin des olives de Pie VII, conduisait à présent la marche des palmes. En même temps que Pignatelli changeait de rôle, de nobles parjures à Paris reprenaient derrière le fauteuil de Louis XVIII leur fonction de grand domestique. La prospérité nous est transmise avec ses esclaves, comme autrefois une terre seigneuriale était vendue avec ses serfs. Au second livre de ses mémoires, on lit « Je revenais alors de mon premier exil de Dieppe. On m'a permis de revenir à ma vallée. La terre tremble sous les pas du soldat étranger. J'écris comme les derniers Romains au bruit de l'invasion des barbares. Le jour, je trace des pages aussi agitées que les événements de ce jour. La nuit, tandis que le roulement du canon lointain expire dans mes bois solitaires, je retourne au silence des années qui dorment dans la tombe et à la paix de mes plus jeunes souvenirs. » Ces pages agitées que je traçais le jour étaient des notes relatives aux événements du moment, lesquelles, réunies, devinrent ma brochure de Bonaparte et des Bourbons. J'avais une si haute idée du génie de Napoléon et de la vaillance de nos soldats qu'une invasion de l'étranger, heureuse jusque dans ses derniers résultats, ne me pouvait tomber dans la tête. Mais je pensais que cette invasion, en faisant sentir à la France le danger où l'ambition de Napoléon l'avait réduite, amènerait un mouvement intérieur, et que l'affranchissement des Français s'opérerait de leurs propres mains. C'était dans cette idée que j'écrivais mes notes, afin que si nos assemblées politiques arrêtaient la marche des alliés et se résolvaient à se séparer d'un grand homme, devenu un fléau, elles sussent à qui recourir. L'abri me paraissait être dans l'autorité, modifiée selon les temps sous laquelle nos aïeux avaient vécu pendant 8 siècles, quand, dans l'orage, on ne trouve à sa portée qu'un vieil édifice. Tout en ruine qu'il est, on s'y retire. Dans l'hiver de 1813 à 1814, je pris un appartement rue de Rivoli, en face de la première grille du jardin des Tuileries, devant laquelle j'avais entendu crier la mort du duc d'Enghien. On ne voyait encore, dans cette rue, que les arcades bâties par le gouvernement et quelques maisons s'élevant çà et là avec leurs dentelures latérales de pierres d'attente. Il ne fallait rien moins que les maux dont la France était écrasée pour se maintenir dans l'éloignement que Napoléon inspirait et pour se défendre en même temps de l'admiration qu'il faisait renaître sitôt qu'il agissait. C'était le plus fier génie d'action qui ait jamais existé. Sa première campagne en Italie et sa dernière campagne en France, je ne parle pas de Waterloo, sont ses deux plus belles campagnes. Condé dans la première, Turenne dans la seconde, grand guerrier dans celle-là, grand homme dans celle-ci, mais différente dans leurs résultats. Par l'une, il gagna l'Empire, par l'autre, il le perdit. Ses dernières heures de pouvoir, toutes déracinées, toutes déchaussées qu'elles étaient, ne purent être arrachées comme les dents d'un lion que par les efforts du bras de l'Europe. Le nom de Napoléon était encore si formidable que les armées ennemies ne passèrent le Rhin qu'avec terreur. Elles regardaient sans cesse derrière elles pour bien s'assurer que la retraite leur serait possible. Maîtresse de Paris, elle tremblait encore. Alexandre, jetant les yeux sur la Russie en entrant en France, félicitait les personnes qui pouvaient s'en aller et l'écrivait à sa mère ses anxiétés et ses regrets. Napoléon bat les Russes à Saint-Dizier, les Prussiens et les Russes à Brienne, comme pour honorer les champs dans lesquels il avait été élevé. Il culbute l'armée de Silésie à Montmirail, à Champaubert, et une partie de la grande armée à Montereau. Il fait tête partout, va et revient sur ses pas, repousse les colonnes dont il est entouré. Les alliés proposent un armistice. Bonaparte déchire les préliminaires de la paix offerte et s'écrie « Je suis plus près de Vienne que l'empereur d'Autriche de Paris ». La Russie, l'Autriche, la Prusse et l'Angleterre, pour se réconforter mutuellement, conclurent à Chaumont un nouveau traité d'alliance. Mais au fond, à l'armée de la résistance de Bonaparte, elle songeait à la retraite. À Lyon, une armée se formait sur le flanc des Autrichiens. Dans le Midi, le maréchal Soult arrêtait les Anglais. Le congrès de Châtillon, qui ne fut dissous que le 18 mars, négociait encore. Bonaparte chassa Blücher des hauteurs de Craon. La grande armée alliée n'avait triomphé le 27 février à Bar-sur-Aube que par la supériorité du nombre. Bonaparte, se multipliant, avait recouvré Troyes que les alliés réoccupèrent. De Craon, il s'était porté sur Reims. « Cette nuit, dit-il, j'irai prendre mon beau-père à Troyes. » Le 20 mars, une affaire eut lieu près d'Arcy-sur-Aube. Parmi un feu roulant d'artillerie, un obus étant tombé au front d'un carré de la garde, le carré parut faire un léger mouvement. Bonaparte se précipite sur le projectile dont la mèche fume. Il la fait flairer à son cheval. L'obus crève et l'empereur sort sain et sauf du milieu de la foudre brisée. La bataille devait recommencer le lendemain, mais Bonaparte, cédant à l'inspiration du génie, inspiration qui lui fut néanmoins funeste, se retire afin de se porter sur la dernière des troupes confédérées, les séparer de leurs magasins et grossir son armée des garnisons des places frontières. Les étrangers se préparaient à se replier sur le Rhin lorsque Alexandre, par un de ces mouvements du ciel qui changent tout un monde, prit le parti de marcher à Paris dont le chemin devenait libre. Napoléon croyait entraîner la masse des ennemis et il n'était suivi que de 10 000 hommes de cavalerie qu'il pensait être l'avant-garde des principales troupes, et qui lui masquait le mouvement réel des Prussiens et des Moscovites. Il dispersa ses 10 000 chevaux à Saint-Dizier et Vitry, et s'aperçut alors que la grande armée alliée n'était pas derrière. Cette armée, se précipitant sur la capitale, n'avait devant elle que les maréchaux Marmont et Mortier, avec environ 12 000 conscrits. Napoléon se dirige à la hâte sur Fontainebleau. Là, une sainte victime, en se retirant, avait laissé le rémunérateur et le vengeur. Toujours dans l'histoire marchent ensemble deux choses. Qu'un homme s'ouvre une voie d'injustice, il s'ouvre en même temps une voie de perdition, dans laquelle, à une distance marquée, la première route vient tomber dans la seconde. Les esprits étaient fort agités. L'espoir de voir cesser coûte que coûte une guerre cruelle qui pesait depuis 20 ans sur la France rassasiée de malheur et de gloire l'emportait dans les masses sur la nationalité. Chacun s'occupait du parti qu'il aurait à prendre dans la catastrophe prochaine. Tous les soirs, mes amis venaient causer chez Madame de Chateaubriand, raconter et commenter les événements de la journée. Messieurs de Fontanes, de Clausel, Joubert accouraient avec la foule de ses amis de passage que donnent les événements et que les événements retirent. Madame la duchesse de Lévis, belle, paisible et dévouée, que nous retrouverons à Gand, tenait fidèle compagnie à Madame de Chateaubriand. Madame la duchesse de Duras était aussi à Paris, et j'allais voir souvent Madame la marquise de Montcalm, sœur du duc de Richelieu. Je continuais d'être persuadé, malgré l'approche des champs de bataille, que les alliés n'entreraient pas à Paris, qu'une insurrection nationale mettrait fin à nos craintes. L'obsession de cette idée m'empêchait de sentir aussi vivement que je l'aurais fait la présence des armées étrangères. Mais je ne me pouvais empêcher de réfléchir aux calamités que nous avions fait éprouver à l'Europe, en voyant l'Europe nous les rapporter. Je ne cessais de m'occuper de ma brochure. Je la préparais comme un remède lorsque le moment de l'anarchie viendrait à éclater. Ce n'est pas ainsi que nous écrivons aujourd'hui bien à l'aise, n'ayant à redouter que la guerre des feuilletons. La nuit, je m'enfermais à clef, je mettais mes paperasses sous mon oreiller, 2 pistolets chargés sur ma table. Je couchais entre ces 2 muses. Mon texte était double, je l'avais composé sous la forme de brochure, qu'il a gardée, et en façon de discours, différent à quelques égards de la brochure. Je supposais qu'à la levée de la France, on se pourrait assembler à l'hôtel de ville, et je m'étais préparé sur 2 thèmes. Madame de Chateaubriand a écrit quelques notes à diverses époques de notre vie commune. Parmi ces notes, je trouve le paragraphe suivant. Monsieur de Chateaubriand écrivait sa brochure de Bonaparte et des Bourbons. Si cette brochure avait été saisie, le jugement n'était pas douteux. La sentence était l'échafaud. Cependant, l'auteur mettait une négligence incroyable à la cacher. Souvent, quand il sortait, il l'oubliait sur sa table. Sa prudence n'allait jamais au-delà de la mettre sous son oreiller, ce qu'il faisait devant son valet de chambre, garçon fort honnête, mais qui pouvait se laisser tenter. Pour moi, j'étais dans des transes mortelles. Aussi, dès que M. de Chateaubriand était sorti, j'allais prendre le manuscrit et je le mettais sur moi. Un jour, en traversant les Tuileries, je m'aperçois que je ne l'ai plus, et bien sûr de l'avoir senti, en sortant, je ne doute pas de l'avoir perdu en route. Je vois déjà le fatal écrit entre les mains de la police et M. de Chateaubriand arrêté. Je tombe sans connaissance au milieu du jardin, de bonnes gens m'assistèrent, ensuite me reconduisirent à la maison dont j'étais peu éloigné. Quel supplice, lorsque, montant l'escalier, je flottais entre une crainte qui était presque une certitude et un léger espoir d'avoir oublié de prendre la brochure. En approchant de la chambre de mon mari, je me sentais de nouveau défaillir. J'entre enfin, rien sur la table, je m'avance vers le lit, je tâte d'abord l'oreiller, je ne sens rien, je le soulève, je vois le rouleau de papier. Le cœur me bat chaque fois que j'y pense. Je n'ai jamais éprouvé un tel moment de joie dans ma vie. Certes, je puis le dire avec vérité, il n'aurait pas été si grand si je m'étais vu délivré au pied de l'échafaud, car enfin, c'était quelqu'un qui m'était bien plus cher que moi-même que j'en voyais délivré. Que je serais malheureux si j'avais pu causer un moment de peine à Madame de Chateaubriand. J'avais pourtant été obligé de mettre un imprimeur dans mon secret. Il avait consenti à risquer l'affaire. D'après les nouvelles de chaque heure, il me rendait ou venait reprendre des épreuves à moitié composées, selon que le bruit du canon se rapprochait ou s'éloignait de Paris. Pendant près de 15 jours, je jouais ainsi ma vie à croix ou pile. Le cercle se resserrait autour de la capitale. À chaque instant, on apprenait un progrès de l'ennemi. Pêle-mêle entraient par les barrières des prisonniers russes et des blessés français traînés dans des charrettes. Quelques-uns à demi-morts tombaient sous les roues qu'ils ensanglantaient. Des conscrits, appelés de l'intérieur, traversaient la capitale en longue file, se dirigeant sur les armées. La nuit, on entendait passer sur les boulevards extérieurs des trains d'artillerie, et l'on ne savait si les détonations lointaines annonçaient la victoire décisive ou la dernière défaite. La guerre vint s'établir enfin aux barrières de Paris. Du haut des tours de Notre-Dame, on vit paraître la tête des colonnes russes, ainsi que les premières ondulations du flux de la mer sur une plage. Je sentis ce qu'avait dû éprouver un Romain lorsque, du fait du Capitole, il découvrit les soldats d'Alaric et la vieille cité des Latins à ses pieds, comme je découvrais les soldats russes et à mes pieds la vieille cité des Gaulois. Adieu donc, lard paternel, foyer conservateur des traditions du pays. Toi sous lesquels avait respiré, et cette Virginie sacrifiée par son père à la pudeur et à la liberté, et cette Héloïse vouée par l'amour aux lettres et à la religion. Paris, depuis des siècles, n'avait point vu la fumée des camps de l'ennemi, et c'est Bonaparte qui, de triomphe en triomphe, a amené les Thébains à la vue des femmes de Sparte. Paris était la borne dont il était parti pour courir la terre. Il y revenait, laissant derrière lui l'énorme incendie de ses inutiles conquêtes. On se précipitait au jardin des plantes que jadis aurait pu protéger l'abbaye fortifiée de Saint-Victor. Le petit monde des cygnes et des bananiers, à qui notre puissance avait promis une paix éternelle, était troublé. Du sommet du labyrinthe, par-dessus le grand cèdre, par-dessus les greniers d'abondance que Bonaparte n'avait pas eu le temps d'achever, au-delà de l'emplacement de la Bastille et du donjon de Vincennes, lieu que racontait notre successive histoire, la foule regardait les feux de l'infanterie au combat de Belleville. Montmartre est emporté, les boulets tombent jusque sur les boulevards du Temple, quelques compagnies de la garde nationale sortirent et perdirent 300 hommes dans les champs autour du tombeau des martyrs. Jamais la France militaire ne brilla d'un plus vif éclat au milieu de ses revers. Les derniers héros furent les 150 jeunes gens de l'école polytechnique, transformés en canonniers dans les redoutes du chemin de Vincennes. Environnés d'ennemis, ils refusaient de se rendre. il fallut les arracher de leurs pièces. Le grenadier russe les saisissait noircis de poudre et couverts de blessures. Tandis qu'il se débattait dans ses bras, il élevait en l'air avec des cris de victoire et d'admiration ses jeunes palmes françaises et les rendait toutes sanglantes à leur mère. Pendant ce temps-là, Cambacérès s'enfuyait avec Marie-Louise, le roi de Rome et la régence. On lisait sur les murs cette proclamation. Le roi Joseph, lieutenant général de l'empereur, commandant en chef de la garde nationale. Citoyen de Paris, le conseil de régence a pourvu à la sûreté de l'impératrice et du roi de Rome. Je reste avec vous. Armons-nous pour défendre cette ville, ses monuments, ses richesses, nos femmes, nos enfants, tout ce qui nous est cher. Que cette vaste cité devienne un camp pour quelques instants et que l'ennemi trouve sa honte sous ses murs qu'il espère franchir en triomphe. Rostopchine n'avait pas prétendu défendre Moscou. Il le brûla. Joseph annonçait qu'il ne quitterait jamais les Parisiens et il décampait à petit bruit, nous laissant son courage placardé au coin des rues. M. de Talleyrand faisait partie de la régence nommée par Napoléon. Du jour où l'évêque d'Autun cessa d'être, sous l'Empire, ministre des Relations extérieures, il n'avait rêvé qu'une chose, la disparition de Bonaparte suivie de la régence de Marie-Louise. Régence dont Louis, prince de Bénévent, aurait été le chef. Bonaparte, en le nommant membre d'une régence provisoire en 1814, semblait avoir favorisé ses désirs secrets. La mort napoléonienne n'était point survenue. Il ne resta à M. de Talleyrand qu'à clopiner au pied du colosse qu'il ne pouvait renverser et à tirer parti du moment pour ses intérêts. Le savoir-faire était le génie de cet homme de compromis et de marché. La position se présentait difficile. Demeurer dans la capitale était chose indiquée, mais si Bonaparte revenait, le prince séparé de la régence fugitive, le prince retardataire, courait risque d'être fusillé. D'un autre côté, comment abandonner Paris au moment où les alliés y pouvaient pénétrer? Ne serait-ce pas renoncer au profit du succès, trahir ce lendemain des événements pour lequel M. de Talleyrand était fait? Loin de pencher vers les Bourbons, il les craignait à cause de ces diverses apostasies. Cependant, puisqu'il y avait une chance quelconque pour eux, M. de Vitrolles, avec l'assentiment du prélat marié, s'était rendu à la dérobée au congrès de Châtillon, en chuchoteur non avoué de la légitimité. Cette précaution apportée, le prince, afin de se tirer d'embarras à Paris, eut recours à un de ces tours dans lesquels il était passé maître. M. Laborie, devenu peu après, sous M. Dupont de Nemours, secrétaire particulier du gouvernement provisoire, alla trouver M. de Laborde, attaché à la garde nationale. Il lui révéla le départ de M. de Talleyrand. « Il se dispose, lui dit-il, à suivre la régence. Il vous semblera peut-être nécessaire de l'arrêter afin d'être à même de négocier avec les alliés si besoin est. » La comédie fut jouée en perfection. On charge à grand bruit les voitures du prince, il se met en route en plein midi, le 30 mars. Arrivé à la barrière d'enfer, on le renvoie inexorablement chez lui malgré ses protestations. Dans le cas d'un retour miraculeux, les preuves étaient là, attestant que l'ancien ministre avait voulu rejoindre Marie-Louise et que la force armée lui avait refusé le passage. Cependant, à la présence des alliés, le comte Alexandre de Laborde et M. Tourton, officier supérieur de la garde nationale, avaient été envoyés auprès du généralissime prince de Schwarzenberg, lequel avait été l'un des généraux de Bonaparte pendant la campagne de Russie. La proclamation du généralissime fut connue à Paris dans la soirée du 30 mars. Elle disait « Depuis 20 ans, l'Europe est inondée de sang et de larmes. Les tentatives pour mettre un terme à tant de malheurs ont été inutiles parce qu'il existe dans le principe même du gouvernement qui vous opprime un obstacle insurmontable à la paix. Parisiens, vous connaissez la situation de votre patrie. La conservation et la tranquillité de votre ville seront l'objet des soins des alliés. C'est dans ces sentiments que l'Europe, en armes devant vos murs, s'adresse à vous. Quelle magnifique confession de la grandeur de la France ! L'Europe, en armes devant vos murs, s'adresse à vous. Nous qui n'avions rien respecté, nous étions respectés de ceux dont nous avions ravagé les villes et qui, à leur tour, étaient devenus les plus forts. Nous leur paraissions une nation sacrée. Nos terres leur semblaient une campagne d'élide que, de par les dieux, aucun bataillon ne pouvait fouler. Si, nonobstant, Paris eût cru devoir faire une résistance, fort aisée, de 24 heures, les résultats étaient changés. Mais personne, excepté les soldats enivrés de feu et d'honneur, ne voulait plus de Bonaparte, et dans la crainte de le conserver, on se hâta d'ouvrir les barrières. Paris capitula le 31 mars. La capitulation militaire est signée au nom des maréchaux Mortier et Marmont par les colonels Denis et Favier. La capitulation civile eut lieu au nom des maires de Paris. Le conseil municipal et départemental députa au quartier général russe pour régler les divers articles. Mon compagnon d'exil, Christian de Lamoignon, était du nombre des mandataires. Alexandre leur dit « Votre empereur, qui était mon allié, est venu jusque dans le cœur de mes états y apporter des maux, dont les traces dureront longtemps. Une juste défense m'a mené jusqu'ici. Je suis loin de vouloir rendre à la France les maux que j'en ai reçus. Je suis juste, et je sais que ce n'est pas le tort des Français. Les Français sont mes amis, et je veux leur prouver que je viens leur rendre le bien pour le mal. Napoléon est mon seul ennemi. Je promets ma protection spéciale à la ville de Paris. Je protégerai, je conserverai tous les établissements publics. Je n'y ferai séjourner que des troupes d'élite. Je conserverai votre garde nationale qui est composée de l'élite de vos citoyens. C'est à vous d'assurer votre bonheur à venir. Il faut vous donner un gouvernement qui vous procure le repos et qui le procure à l'Europe. C'est à vous à émettre votre vœu. Vous me trouverez toujours prêt à seconder vos efforts. » Paroles qui furent accomplies ponctuellement. Le bonheur de la victoire aux yeux des alliés l'emportait sur tout autre intérêt. Quels devaient être les sentiments d'Alexandre lorsqu'il aperçut les dômes des édifices de cette ville où l'étranger n'était jamais entré que pour nous admirer, que pour jouir des merveilles de notre civilisation et de notre intelligence, de cette inviolable cité, défendue pendant 12 siècles par ses grands hommes, de cette capitale de la gloire que Louis XIV semblait encore protéger de son ombre et Bonaparte de son retour. Fin de la section 11.